Avez-vous du moins quelques promenades dans les environs? Continuait madame Bovary, parlant au jeune homme. Oh, fort peu, répondit-il. Il y a un endroit que l'on nomme la pâture, sur le haut de la côte, à la lisière de la forêt. Quelquefois le dimanche, je vais là, et j'y reste avec un livre, à regarder le soleil couchant. Je ne trouve rien d'admirable, comme les soleils couchants, reprit-elle, mais au bord de la mer, surtout. Oh, j'adore la mer, dit monsieur Léon. Et puis, ne vous semble-t-il pas, répliqua madame Bovary, que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite, dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal. Il en est de même des paysages de montagne, reprit Léon. J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière et qui me disait qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. Ces spectacles doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l'extase. Aussi, je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelque site imposant. « Vous faites de la musique ? » demanda-t-elle. « Non, mais je l'aime beaucoup, » répondit-il. « Ah, ne l'écoutez pas, madame Bovary, » interrompit Homais en se penchant sur son assiette. « C'est modestie pure. »« Comment, mon cher, et l'autre jour, dans votre chambre, vous chantiez l'ange gardien ?» Roman sentimental à la mode. « À ravir ! Je vous entendais du laboratoire. Vous détachez cela comme un acteur. »